Le Force à Martyr, une enquête de Toto Fouinard, le petit détective parisien, par Jules Lhermina. Où Toto Fouinard est jeté dans un puits au fond duquel il trouve la vérité. Chapitre 1er. Où Madame Crayou est foudroyée. Ce matin-là, Toto Fouinard s'adonnait avec son ami et collaborateur Michel Gervais aux délices de la Sabbate. « Vois-tu, mon petit, disait-il à Michel, qui avait la tête de plus que lui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut se trouver dans une mauvaise passe. Alors il faut savoir jouer des quatre pattes. En garde. Et attaque-moi. Vigoureusement. Un poing au nez, l'autre au creux de l'estomac. Bien. Très bien. » Et Michel, de se décarcasser, entourant d'un orage de coups de poing et de pied, l'excellent Fouinard, qui la cigarette au bec, paraît avec une désinvolture presque insolente. Fouinard lui tendait les poings, feignant de se livrer, et puis, d'un rien, d'un simple tour de torse, d'un recul des tibias, faisait dévier le cou. Pourtant, Michel faisait de réels progrès, tant et si bien que son poing effleura deux ou trois fois la clavicule de Toto, qui, après des très bien approbatifs, prononça le mot « assez », et d'un croc en jambe allongé, fit trébucher son énorme adversaire qui s'étala sur le tapis. Car cette aimable scène se passait dans le salon de M. Fouinard, actuellement rentier, vivant d'ailleurs sur son capital. « Non, ce que tu es fort !» fit Michel en se relevant un peu penaud. « Celui qui te dégringolera n'est pas encore pondu. »« Ne dis pas ça, Michel. Il ne faut jamais faire le malin. Moi, pas plus que les autres. On peut toujours trouver un plus fort qui vous fasse bobo. Vois-tu, mon Michelot, j'ai dans l'idée que nous aurons pas mal à faire. Nos deux dernières affaires ont fait un tapage du diable. » Voilà que nous passons pour des Don Quichotte à qui on n'a qu'à faire pst, pst, pour qu'immédiatement le vice soit récompensé et le crime puni. Alors, pour justifier cette réputation, il faudra se grouiller. Un seul mot, interrompit Michel. Tu dis toujours nous. Nous passons, nous ferons ceci ou cela. Tu pourrais bien dire je passe, je ferai. Ferme ça, ordonna Fouinard. Tu ne dis que des bêtises. Toi, Susan, moi, nous sommes un être en trois personnes. Les savants appellent ça une hypostase. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Eux non plus. Mais ça y est, nous sommes une trinité, trois en un en trois. Et tu vas te taire? Car j'ai encore à te dire des choses très philosophiques et très intelligentes. Je n'en doute pas, fit Michel, que la bonne familiarité de Fouinard ravissait d'aise. Eh bien voilà, je te fais apprendre la boxe, la canne, la savate et le jiu-jitsu, parce que vois-tu, mon vieux, dans les avaros qui nous attendent, je voudrais, ô mais de tout mon cœur, que jamais nous n'ayons à nous reprocher mort d'homme. Tiens, vois leurs fameux détectives, anglais ou américains, tous, en un argument suprême, leur revolver. Toujours le sifflet à balle hors du gousset. Et dame, du plomb, ça tue. Je ne veux pas tuer, entends-tu? Nos abattis, les bras, les jambes, ou bien la tête, ça doit toujours suffire. Ça peut casser une patte à l'adversaire. Mais une patte, ça se répare, tandis que la mort, brrr, je n'aime pas ça. Ah, comme tu as raison. Donc, pas d'arme autre que celle du père Adam. Bien convenu, pas vrai? À ce moment, une trompe se déchaîna, un cyclone envahit le salon de Toto, ce qui signifie que la grosse Madame Crayou, la concierge, se précipita, les bras au ciel, criant « Ah, monsieur Fouinard !» Elle était rouge, les yeux hors de la tête et mâchonnait, dans le paroxysme de son émotion, des mots qu'elle comprenait peut-être, mais non les autres. Fouinard avait couru vers elle et, lui prenant les poignets, il la força de tomber sur un fauteuil. Mais elle ne voulait pas s'asseoir, par respect. Elle se relevait. Fouinard la rassaillait de force. Ça pouvait durer longtemps comme ça. « Mais nom d'un pétard !» cria Toto. « Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous déguisez en ouragan désespéré ?»« Ce qu'il y a, monsieur Fouinard, il n'y a que... Je suis foudroyé, anéanti, englouti. Très bien. Mais qu'est-ce qui vous a foudroyé, etc. Une scène horrible, monsieur Fouinard, que le bourreau en pleurerait. Ah, la pauvre femme. Peut-on se mettre dans des états comme ça? Maman Crayou, vous êtes l'ange des concierges. Mais vous manquez de clarté. Quelle femme, quel état. Michel, donne à cette créature exquise et plantureuse un petit verre de kirsch. Ça lui rendra son équilibre. En un tour de main, le verre rempli se vida entre les lèvres de Madame Crayou, qui soupira profondément. « Là, » fit Fouinard, « maintenant, ô femme idéale, Contez-nous votre petite histoire. Petite, pouvez-vous dire, elle est grande, mon histoire, énorme, foudroyante. L'expression lui plaisait. Fouinard laissa passer la tempête, puis reprit. Qu'est-ce que cette femme? Que lui est-il arrivé? Et pourquoi êtes-vous si ému? Ému? Ah oui, c'est bien le mot. Je vais vous dire. Pour commencer par le commencement, faut vous dire que la mère Mullard... Ah, l'héroïne de l'histoire s'appelle Madame Mullard. Héroïne, non. Elle était fruitière au 54 du Faubourg Martin. Il y a encore un an, elle florissait. Bonne clientèle, bonne marchandise. Faut vous dire qu'elle avait un petit gars, dans les 8 ans, et qu'elle aimait. Non, il n'y a pas d'expression. Et c'était pour lui qu'elle travaillait, comme une mercenaire. Et là qu'un jour, le petit est mort, comme ça, tout bêtement, sans dire ouf. Que le médecin dit que c'était une embolie. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a été terrible. La pauvre maman Mullard voulait se tuer. Que je lui ai tenu les mains pour l'empêcher de se blesser avec un couteau. Vous êtes une brave femme, maman Crayou, prononça Fouinard. Ah, pour ce que ça sert. De ce jour-là, la mère Mullard, sauf votre respect, a été fichue. De ce qu'elle n'avait plus son petit, elle n'a plus travaillé. Elle a tout laissé aller à volo. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas les clients, bien sûr, mais bien les créanciers, et puis les huissiers. En moins de 6 mois, elle était acquise, à rincée comme un verre à bière, vendue, expulsée. Et qui pisait, c'est qu'elle avait encore l'air de devenir folle, disait des choses qui vous foudroyaient. Qu'elle était une criminelle, que c'était son crime qui avait tué son fieu. Est-ce que je sais? Bref, son proprio l'a fichu à la rue comme une mendiante. Et vous l'avez recueillie? J'ai peut-être eu tort. Une pauvre femme qui avait vécu tous les malheurs. Elle avait encore un lit, une chaise, une table et 4 chiffons. J'ai collé tout ça dans une mansarde ici au 6e. Pas un palais, bien sûr. Dans les premiers temps, elle a eu l'air de se calmer. J'y avais trouvé 2 ménages. Ça lui faisait bien dans les 35 sous par jour. Avec ça, une femme qui a de l'ordre peut se suffire. Ça allait. Mais voilà que la toux s'est abattue sur elle et qu'elle s'est mise à roquer, à se démancher les poumons. J'ai voulu la mettre à l'hôpital. Ah oui, ce qu'elle m'a envoyé rebondir. De médecin, pas davantage. Non, elle dit qu'elle veut mourir, aller retrouver son petit. Et puis je vous dis ça entre nous, elle a un secret, qui la mange, qui la ronge. C'est de ça, surtout, qu'elle s'en va. Et tenez, Black Astor, comme j'y portais un bouillon, faut pas se laisser mourir les uns les autres, pas vrai? Elle a sauté de son lit comme une folle en criant « Je veux voir Monsieur Fouinard !»« Moi ?» s'écria Toto. « Elle me connaît donc ?»« Dame, j'ai parlé de vous, il n'y a pas d'offense. »« Et qu'est-ce que vous lui avez dit de moi ?»« Que vous étiez le malin des malins. » »« Et que si elle avait une mauvaise pierre dans son sac, eh bien, elle n'avait qu'à vous conter ça. »« Que vous étiez bon, généreux, une crème, quoi. »« Assez, assez, maman Crayou, ou je vais rougir comme une tomate. »« Bref. » Si je vous ai bien comprise, vous venez. Oh, je n'aurais jamais osé. Mais voyez-vous, tout à l'heure, elle était dans un tel état, les yeux en feu, la bouche tordue, disant « J'ai tué mon petit. Je veux qu'on me pardonne avant de mourir. Je voudrais voir Monsieur Fouinard. » Alors je me suis dit que peut-être vous voudriez bien. « Comment, si je veux ?»« Ah ça, maman Crayou, est-ce que vous auriez le culot d'en douter ?»« Allons, demi-tour et marche, montons au 6e. » Dire qu'autrefois j'étais au 4e, je n'aurais eu que 2 étages. Ce que c'est que d'être riche. Allons, en avant !